Partir, et toi, l'ami, bonsoir. Offrez à moi qu'avant de vous dire au revoir, je vous invite tous aux courses de Séville. Je compte pour ma part y briller de mon mieux. Et qui m'en viendra. Yeah. Et notre fille d'ici, sous d'autres cieux. Tu demandes l'impossible, Carmen jamais n'a menti. Son âme reste inflexible. Entre lui et toi, tout est fini. Jamais je n'ai menti. Entre nous, tout est fini. Carmen, il est temps encore. Va t'occuper. Il est temps encore. Laisse-moi passer. Tiens! Et bien,